Chapitre 25e. Rentré chez lui, Robert attendit sa femme avec impatience. Il la jugeait sotte et incapable, et se flattait par l'intimidation ou la persuasion d'en obtenir ce qu'il voulait savoir. Dès les premiers mots, il se buta à une stupidité indomptable. Toinon ne comprenait rien, mais absolument rien à ce que lui demandait son mari. Aux questions les mieux préparées, à celles qui semblaient devoir amener une réponse claire et nette, il n'obtenait que des fins de non-recevoir. Furieux, et d'autant plus furieux qu'il n'était pas sûr d'être joué, il se démasqua tout entier. « Je veux la vérité, entends-tu » dit-il à Toinon en lui meurtrissant le bras sous sa rude étreinte. « Je me soucie de madame et de toi comme d'une faine. Mais si l'honneur de Morez a été entamé, je veux le savoir et je le saurai. »« Quand ce serait vrai et quand tu le saurais ?» répliqua Toinon d'une voix dolente. « La belle avance pour tous les deux. » « Lâche-moi le bras, tu me fais mal. »« Je t'en ferai bien d'autres si tu ne veux pas parler. » gronda Robert en approchant son visage contracté et ses yeux pleins de haine du visage de sa femme. « On met encore à la torture, tu sais. Eh bien, s'il faut la torture pour te faire parler, tu l'auras. »« Tu peux bien me tuer ?» s'écria Toinon exaspéré. « Mais tu ne me feras pas dire ce qui n'est pas. »« Puisque j'ai entendu, moi !» dit imprudemment Robert, qui dès lors perdit ses avantages. « Tu as entendu quoi? Le vent dans les arbres? Le coq qui chantait ?»« J'ai entendu la marquise parler des mères coupables. Elle le disait à monsieur de Présange. »« Et c'est là tout ce que tu sais? Ah, le bel oiseau, qu'il parle bien !» s'écria Toinon en riant d'un rire nerveux et saccadé que lui arrachait la souffrance de son bras dans l'étau que faisait la main de son mari. Robert ne se possédait plus. Il saisit sa canne et frappa à coups redoublés sur la malheureuse. Elle ne poussa pas un cri, cependant. Elle regardait son époux avec des yeux pleins de mépris et de dégoût qui avivaient sa colère. Quand il s'arrêta, là, peut-être, ou effrayé d'avoir frappé si fort, elle ne cessa de le regarder, et lui, honteux, détourna ses regards. « Vois-tu, Robert ?» lui dit-elle d'une voix que la douleur et l'indignation faisaient un peu trembler. « Tu viens de m'abattre pour la première fois en 17 ans de ménage, et cela, parce que j'ai préféré la torture dont tu m'as menacé, « au lâche plaisir de t'aider à calomnier ma maîtresse et la tienne, car elle est ta maîtresse. Eh bien, tu peux recommencer, mais je demanderai justice au marquis contre toi, et il me fera justice. Il ne permettra pas que tu attaques lâchement l'honneur de sa femme. » Elle regardait Robert avec des yeux flamboyants. Il eut peur et se sentit touché. Il avait pensé à écrire au marquis, mais il sentit bien que sa femme avait raison et que son maître ne tolérerait pas une semblable délation. Il repoussa sa femme avec colère. « Va donc, vipère, » dit-il, « trahis le maître qui te donne ton pain, désobéis à ton époux, amasse sur toi tous les péchés de la terre, la vengeance viendra un jour. » Une heure après cette scène, Toinon, entrant comme d'habitude chez sa maîtresse pour son service du soir, trouva celle-ci très songeuse et préoccupée. « Ton mari ne t'a rien dit ? » fit-elle dès que la porte se fut refermée sur l'humble et fidèle confidente. Celle-ci hésita un instant à porter le trouble dans l'âme de la marquise, puis elle se dit que, prévenue, celle-ci serait plus prudente. « Il croit avoir entendu une phrase, » dit-elle à voix basse. « Il t'en a parlé? Il t'a interrogé? Qu'as-tu répondu ?» fit rapidement la marquise, qui attendait frémissante l'arrêt du destin. Toinon, d'un seul geste, ôta le fichu qui couvrait ses épaules, et Gabrielle aperçut la trace rouge et gonflée des coups de bâton sur le dos et sur les bras de sa servante. Elle joignit les mains et recula d'horreur. « Ne craignez rien, chère madame la marquise, ne craignez rien !» sanglota Toinon, en se mettant à genoux malgré la douleur de tout son corps meurtri. « Je n'ai rien dit, je ne dirai rien, il ne saura jamais rien par moi, mais soyez prudente !» Gabrielle jeta ses bras sur le cou de sa servante et pleura sur elle, avec elle. « Je n'ai que toi, » disait-elle dans ses larmes. « Julien se laissera tuer sans maudire, et mes enfants mourront en horreur quand ils sauront la vérité. » « Toi seul m'as été fidèle dans ma faute et me seras fidèle dans le châtiment. »« Ah, pour cela, Sylvien, je vous le jure, » murmura Toinon, « il faudrait me tuer pour me séparer de vous, mais tout finira bien. Seulement, ne donnez pas de preuves contre vous. »« Que faire? Renoncer à le voir, y consentira-t-il? Il le faut, madame, à tout prix. Sans cela, monsieur de Présange et vous-même, vous êtes perdu. »« Alors, que me conseilles-tu ? » fit Gabrielle, s'abandonnant aux avis de son humble ami. « Il faut, madame, ne rien changer à vos habitudes, continuer à vous promener seule comme d'ordinaire ou avec moi. Seulement, monsieur de Présange ne viendra pas aux endroits où il avait coutume de vous rencontrer. Nous serons suivis et espionnés par cet homme maudit, cet envoyé de l'enfer. Qu'il espionne, il ne trouvera rien. Monsieur de Présange viendra ici le jour, comme d'habitude. Rien ne sera changé en apparence, et plus tard, nous verrons. « Soit, soupira Gabriel, te charges-tu de faire savoir à monsieur de Présange s'il a affaire ? Écrivez-le lui, madame, et la première fois qu'il viendra ici, glissez-lui le billet dans la main. « Impossible, nous ne sommes jamais seuls. »« Eh bien, madame, je ne sais pas, moi, chercher un moyen de lui faire parvenir le billet. »« Pour ma part, je ne ferai plus un pas sans que mon mari le sache, j'en suis certaine. »« Vous savez qu'autrefois, il m'a fait espionner sous prétexte de jalousie. »« De la jalousie. Il n'est jaloux que de l'amitié qu'on a pour vous. »« Tous vos messagers seront interrogés, tous vos billets seront lus, soyez prudente. »« Je chercherai. » dit Gabriel en laissant tomber ses mains lasses de se serrer l'une contre l'autre pendant son désespoir. La nuit s'écoula pleine d'angoisse pour les deux femmes. Robert refusa de se coucher et passa la nuit à écrire et à compulser des dossiers. Toinon, qui s'était couché, brisé de fatigue et de douleur, le regardait et feignait de dormir au moindre de ses mouvements. Il copia sur une grande feuille de papier plusieurs colonnes de chiffres et vérifia les additions par deux fois. Puis il écrivit d'une main assurée une longue lettre, qu'il relut et ponctua avec le plus grand soin. Ensuite il mit dans la même enveloppe les chiffres et la lettre, cacheta le tout d'un grand cachet de cire rouge, écrivit la suscription avec les mêmes précautions et enferma l'enveloppe dans son tiroir sans que Toinon eût pu lire le nom qu'elle portait. Quand il eut terminé ce travail, il resta dans son fauteuil de cuir, absorbé et comme magnétisé. Deux ou trois fois, Toinon céda au sommeil pendant quelques minutes. À son réveil, elle trouvait son mari dans la même position, immobile et les yeux ouverts. Enfin, une lueur parut dans le ciel. Quelques bruits dans les communs annoncèrent le réveil du château. Robert se leva, s'étira, ouvrit son tiroir, prit la lettre et descendit l'escalier. 10 minutes après, les fers d'un cheval retentirent sur le pavé de la cour. Un messager venait de partir, emportant la missive. Robert rentra et se jeta sur son lit sans paraître s'apercevoir de la présence de sa femme. Au bout de 5 minutes, il dormait profondément. À l'heure ordinaire, Toinon se leva le plus silencieusement qu'elle put et jeta un coup d'œil sur les papiers que Robert n'avait qu'imparfaitement rangés. C'étaient des comptes de fermage, des règlements d'affaires, des mémoires d'ouvriers. La bonne créature tourna la tête, s'assura que son époux dormait et descendit chez la marquise. Elle se glissa dans la chambre par la porte de service, mais Gabriel ne dormait pas. Elle aussi avait passé une partie de la nuit à écrire, et l'âtre était plein de fragments de papier noirci, brouillons inutiles aussitôt détruits. « Eh bien, madame, avez-vous écrit ?» dit Toinon en entrant. « Plus de 100 pages. Je n'arrive pas à faire tenir tout ce que j'ai à dire sur un petit morceau de papier facile à glisser dans la main. Et, madame, est-il besoin d'en mettre si long à un brave monsieur qui vous aime plus que lui-même ? « Écrivez, il y a du danger à nous voir. Attendez que je vous fasse savoir quand nous pourrons nous rencontrer. Croyez-vous qu'il en faille plus long pour qu'il comprenne ?»« Tu as toujours raison, » dit Gabriel, qui courut à l'instant à son bureau, traça ces quelques mots, plia le papier et l'attacha avec une épingle à la gorgerette de sa chemise. « Maintenant je vais dormir. Monsieur de Présange vient ici après-demain, nous avons compagnie. Laissez-le venir, madame, l'occasion se trouvera bien. » Chapitre 26e. Lorsque Lucille entra dans la chambre de sa mère, elle fut frappée de son abattement et de sa pâleur. « J'ai mal dormi, » lui dit Gabriel. Mais une mauvaise nuit ne suffisait pas à expliquer l'altération des traits de la marquise. Lucille pensa que sans doute les paroles de la veille, relativement à l'absence du marquis, avaient ravivé la blessure secrète qu'elle supposait au cœur de sa mère, et elle mit tous ses soins, toute sa tendresse, à la consoler. « M'aimes-tu bien ?» dit soudain Gabriel en prenant à deux mains la tête de sa fille pour lire dans ses yeux. « Oh, ma mère !» murmura Lucille, « en doutez-vous » Son cœur innocent se gonfla de tristesse à la pensée que sa mère avait besoin de l'interroger pour s'en convaincre, et des larmes montèrent dans ses yeux. « Non, je n'en doute pas, » dit Gabriel, « mais j'aime à te l'entendre dire, c'est si bon d'être aimé de ses enfants. « Nous vous aimons, ma mère. » Et René vous le dira, même pour ma part, je vous aime assurément, plus que tout au monde. » Gabriel lut dans les yeux de sa fille que son âme parlait tout entière dans ces quelques mots. Il baisa avec passion le front virginal qui s'avançait sous ses lèvres. « Et tu m'aimeras toujours ?» fit la malheureuse mère. « Même si je... » Elle s'arrêta. « Même quand tu... »« Quand je serai mariée ?» acheva Lucille avec quelque amertume. « Ah, certes, les mariés ne sont pas tous aussi bons que mon père. On raconte à l'office que Robert a battu Toinon. » « Je vous défends d'écouter ce qu'on raconte à l'office, » dit sévèrement la marquise. La jeune fille, se sentant en faute, baissa la tête et pressa tendrement la main de sa mère sur ses lèvres. René devait retourner à Paris ce jour-là, et il se montra particulièrement affectueux envers sa mère, après un échange de 4 mots avec Lucille. Celle-ci ne pouvait se consoler de voir tirer les traits et cerner les yeux de sa belle et chère maman. « Mais ma mère, » lui disait-elle, « vous n'êtes pas assez coquette, vous aurez du monde demain, il faut être belle. » « Vous mettrez du rouge, n'est-ce pas ?» Comme Gabriel secouait négativement la tête, Lucille ajouta, « Tout le monde en met. »« Excepté toi, » dit la mère en souriant. « Oh, moi je ne compte pas. Vous dites vous-même que je ne fais rien comme personne. » « On dit la même chose de moi, » soupira Gabriel. « Tu vois bien que nous sommes faites pour nous aimer. » René partit le soir de ce jour et, malgré la grande affection que lui portait sa mère, elle fut heureuse de penser que lui du moins ne serait pas présent quand elle devrait remettre à Julien ce billet laconique qui la brûlait à travers la batiste. Malgré ses 3 années de bonheur coupable, Gabrielle n'était pas faite à l'adultère. Elle ne retournait auprès de Julien qu'avec des frayeurs et des remords sans cesse renouvelés. Jamais elle ne lui avait remis, jamais elle n'en avait reçu de billet en présence d'un tiers, et cette épreuve prenait pour elle des proportions d'une torture. Elle ne pouvait s'imaginer quand et comment elle le lui ferait prendre. Pour ce qui était d'espérer le voir seul un moment, il n'y fallait pas songer. Elle n'était que trop sûre d'avoir toujours Robert derrière elle, aussitôt qu'il ne la verrait plus sous la garde de quelques visiteurs, espions sans le savoir. L'aube de ce jour redouté se leva aussi sereine que de coutume. Lucille se présenta devant sa mère, les mains pleines de jolies bagatelles qu'un messager venait de rapporter de Paris. « Voyez ma mère, » lui dit-elle. « Je vous ai fait venir des nœuds de la bonne faiseuse pour que vous soyez belle aujourd'hui à tourner les têtes. »« Qu'as-tu là ?» dit Gabriel en voyant un petit carnet dans la poche de son tablier. « Ce sont des tablettes que j'avais brodées pour René, mais on me les a fait attendre et il est parti. » Gabriel feuilletait ses tablettes, semblables à toutes les tablettes. C'était un petit portefeuille avec une poche et quelques feuilles d'ivoire. « Il faut les donner à quelqu'un d'autre, » dit la marquise, frappée d'une idée soudaine. « Tu auras le temps d'en broder de pareil pour ton frère. » « Bien volontiers, maman. À qui voulez-vous les donner ?»« Veux-tu les offrir, monsieur de Présange ?» fit Gabrielle en détournant son visage pour en cacher la rougeur à son enfant. Étonnée, heureuse, Lucille regardait sa mère mais ne pouvait la voir. « Certes, maman, » dit-elle, « mais je n'oserai jamais. Voulez-vous les lui présenter vous-même » C'était bien ce que Gabrielle avait espéré. « Soit, » dit-elle, « laisse-les-moi, nous les lui donnerons tantôt. » Après le dîner qui avait lieu à midi, les carrosses commencèrent à défiler dans la cour d'honneur. Gabriel avait invité beaucoup d'hôtes ce jour-là. Julien ne fut ni des premiers ni des derniers. Il avait adopté le système de garder la moyenne autant que possible afin de ne pas attirer l'attention sur lui. La collation eut lieu dans les appartements, après quoi l'on se dispersa dans les jardins. Lucille ne quittait guère sa mère. Elle attendait avec une vague émotion le moment où la marquise offrirait à Julien son petit cadeau. Pour elle, cet acte avait une importance particulière. C'était la première marque évidente d'une sympathie qu'elle n'avait jamais osé dévoiler. 2 ou 3 fois, elle tira sa mère par la manche, croyant le moment favorable, mais Gabriel en jugea autrement. Enfin, à un certain moment, il n'y avait plus dans le salon que Julien et le vieux chevalier. Celui-ci furent occupés d'un nouveau volume de poésie arrivé le matin même. Gabriel sortit le petit portefeuille d'une cachette de sa robe. « Ma fille a brodé ceci, monsieur. » dit-elle. Il était destiné à son frère, mais elle vous prie néanmoins de l'accepter. Julien, surpris, s'inclina et accepta le petit objet. Au même moment, Robert paraissait dans l'embrasure de la porte et ouvrait les 2 battants pour faire place à la compagnie. Julien allait regarder dans le portefeuille. Un geste imperceptible de Gabriel le retint. Il s'inclina devant Lucille, fort confuse, lui fit un compliment et lui offrit la main pour descendre le perron. Robert les regarda s'éloigner, puis resta immobile et muet pendant que la marquise et le chevalier passaient devant lui. « Dites-moi, marquise, est-ce que vous auriez l'intention de faire ce mariage-là » dit le vieux gentilhomme d'un ton futé. Gabriel tressaillit et murmura malgré elle. « Non, oh non !»« Pourquoi pas ? Eh, ce jeune homme est fort bien. »« Pas de titre, » balbutia la pauvre femme éperdue. « Pas de titre. »« Ah, c'est juste. Les Moraes ne s'allient jamais qu'à des familles titrées. Mille pardons, je l'avais oublié. » Robert referma la porte sur eux et resta, le front contre la vitre, à regarder les groupes errer dans les parterres. Lui aussi combinait son plan. Chapitre 27e. 3 semaines environ après cette scène, le marquis reçut une lettre de Robert qui mit le désarroi dans ses idées. Il s'était imaginé jusque-là que son domaine parfaitement administré lui rapportait un joli revenu, que l'entretien du château, des chasses où son fils ne chassait guère, des eaux où personne ne pêchait, n'était pas comparable à leur rapport et voilà que tout était changé. Que d'après son fidèle Robert, depuis plusieurs années, les fermiers ne payaient point, les bois ne rendaient plus, le château exigeait des réparations absurdes. Bref, le marquis était ruiné pour peu que cela durât encore 6 mois. « Il faut que le coquin me vole !» conclut le marquis en lisant pour la 3e fois la lettre de Robert. Il demanda sur le champ un congé et expédia un courrier à Moraes pour annoncer son retour. Lorsqu'on apprit au régiment que Moraes demandait un congé, ce fut un tollé général. On ne pouvait se figurer le régiment sans son colonel. N'était-il pas l'âme de toute chose? Sa bonne grâce, sa dignité et même sa sagesse, sagesse mondaine et guerrière, mais réelle, ne faisait-elle pas de lui l'oracle des officiers? « C'est fort bien, mes amis, dit le marquis en écoutant toutes ses doléances avec un sourire de bonne humeur. Mais je vous dis que mon coquin d'intendant me vole, et que si je n'y mets bon ordre, nous sommes ruinés. Or, j'ai des enfants, que diable! J'ai même une fille grandement en âge d'être mariée, si je ne me trompe, et nous allons arranger tout cela. Mais vous reviendrez, n'est-ce pas, Moraes? Certes, je reviendrai. Où pourrais-je vivre désormais, sinon parmi vous? Un souper d'adieu fut organisé, au sortir duquel le colonel devait partir. Il aimait à voyager la nuit afin d'éviter la poussière et la chaleur. Quand le moment fut venu, une longue table, richement servie, rassembla les officiers du régiment et toute la noblesse de la ville. On festina avec tout l'entrain voulu, et au moment des toasts, un des assistants leva son verre. « Je bois, messieurs, à la famille de Moraes, qui nous a donné un si brillant officier, un si excellent colonel, et qui, dit-on, promet de se perpétuer de la bonne façon, à la maison de Moraes. Grand merci pour mon fils, messieurs, dit le colonel quand le bruit des vivats se fut un peu calmé. J'espère en effet qu'il perpétuera notre race, et pour ce je me propose de le marier sans perdre beaucoup de temps. Quel âge a-t-il? Fit un curieux. 20 ans, je crois. C'est bien jeune. On a plutôt le temps d'être libre, s'écria un troisième. Puisque le mariage est une chaîne, il faut l'apprendre quand on est jeune. Pour avoir le temps de s'y accoutumer, fit un sceptique. Non pas, pour s'en débarrasser au plus vite. Voyons, messieurs, pourquoi se marie-t-on? Pour avoir des enfants légitimes, n'est-il pas vrai? D'accord. Eh bien, une fois qu'on a des héritiers, on est libre comme l'air, on a rempli son devoir envers sa famille et soi-même. Le marquis s'était assombri soudain. Il se rappelait les larmes que son départ avait coûtées à Gabriel. Êtes-vous sûr, messieurs, dit-il, qu'on ait ainsi rempli ses devoirs envers sa famille? Demanda-t-il d'un ton sérieux. Parbleu, s'écria un jeune capitaine beau comme Antinous, et qui passait pour avoir supplanté 2 ou 3 fois le marquis dans ses bonnes fortunes. Le chef de famille est comme le chef de l'État. Il ne doit de compte à personne. Il fait ce qui lui plaît, il est roi. Et à ce propos, messieurs, à la santé du roi. La santé du roi fut royalement portée. Un vieux baron célibataire, qui avait vu passer bien des régiments dans la ville et qui eût pu faire une chronique des plus intéressantes s'il l'eût voulu, ajouta ensuite, d'une voix aigre, « Mariez-vous, messieurs, les fils de France, mariez-vous pour avoir de la postérité, et puis abandonnez vos femmes. Nous autres célibataires, » La table tout entière éclata de rire. « Oui, je dis bien, » reprit-il, « nous autres célibataires, nous sommes là pour les consoler. »« Baron, vous vous flattez, » cria Dubourg-Posé une voix juvénile. « Non pas. » J'ai eu mon temps comme vous avez le vôtre, messieurs les jeunes gens. Et je sais bien que de grâce j'ai rendu à ces aimables maris, qui avaient l'esprit de disparaître pendant de longues années. Parfois, il est vrai, ils eurent le tort de revenir. Et cela me fit échanger de jolis coups d'épée, mais, bon, on n'en meurt pas. Vous en voyez la preuve. On n'en meurt pas toujours, du moins, grommela le marquis, mécontent du tour que prenait la conversation. Pourquoi était-il mécontent? Il n'eût pu le dire, car 100 fois lui-même avait tenu de semblables propos, mais ce jour-là, ses oreilles se montraient chatouilleuses. J'aime à le croire, messieurs, dit-il en élevant la voix. Vous admettez cependant que quelques femmes restent fidèles à leurs devoirs et respectent l'honneur de leur nom ? Il avait parlé d'un ton si imposant qu'en un instant chacun se rappela que lui aussi était marié et avait une femme dans son logis déserté. La maison de Morez est au-dessus de tout soupçon, répondit l'officier, et à ce sujet, messieurs, je renouvelle mon toast à la prospérité des Morez. Les chevaux sont prêts, vint dire un laquais au moment où les verres retombaient sur la table. Eh bien, messieurs, l'heure est venue, fit le marquis en se levant. Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir. Il monta dans son carrosse au bruit des acclamations joyeuses. Les hommes du régiment, munis de torches, entouraient la grande place, et le reflet rougeâtre des flammes de résine éclairait fantastiquement le dessous des vieux ormes. Le carrosse garni de glace, les chevaux blancs, les uniformes chamarrés, tout prêtait à ce départ un aspect triomphal. Le marquis se mit à la portière, agita son chapeau, et les chevaux partirent au milieu des cris répétés de « Vive Morez !» Bientôt le bruit mourut au loin. La voiture s'engagea sur une route bordée de grands arbres au feuillage épais. La chaussée molle et poussiéreuse semblait faite de velours. La fraîcheur de la nuit pénétra jusqu'à l'âme du marquis. Une sorte de regret s'empara de lui, et il se retourna une fois encore pour voir la ville qu'il venait de quitter. Muette et endormie, loin déjà, elle semblait l'avoir oublié. Là, rien n'était resté de lui que le souvenir banal d'un bon colonel. Mais après un bon colonel, on en a un autre, aussi bon, meilleur ou moins bon, et la différence, somme toute, n'est pas grande. À cette heure où lui se demandait avec quelle tristesse si quelqu'un garderait sa mémoire dans cette ville, on le déchirait peut-être déjà, en l'honneur du colonel qui allait lui succéder. La pensée du marquis se reporta vers Morez. Le carrosse roulait toujours. Les grelots des chevaux tintaient mystérieusement. Les étoiles s'éteignaient au ciel. La paix la plus profonde régnait sur la campagne endormie. En attendant l'aube qui ne pouvait tarder, le frisson qui précède l'aurore passa sur le marquis qui voulait mettre un terme à ses pensées. Il chercha vainement le sommeil. L'agitation des libations du soir et aussi une inquiétude secrète empêchèrent ses yeux de se fermer. Qu'allait-il trouver là-bas ? Depuis 18 ans qu'il avait quitté Morez, le château, les jardins, les bois même n'auraient pas beaucoup changé. Mais ses enfants qu'il avait laissés au berceau, ses enfants qu'il aimait sans les connaître, l'aimerait-il ? Le verrait-il arriver avec joie ? Ne serait-il pas pour eux un étranger ? Je voudrais voir cela, se dit le marquis avec une sourde colère. Peu à peu, il glissa insensiblement sur une autre pente. Sa femme avait dû passer tristement ses années de jeunesse. Il y songeait pour la première fois, et un sentiment de mélancolie le saisit à cette pensée. Elle était bien belle et bien douce, la Gabrielle d'autrefois. Et qu'elle l'avait tendrement aimée. Quelles larmes amères n'avait-elle pas versées lors de son départ ? Avait-elle pleuré longtemps ? Qu'avait-elle fait alors ? S'était-elle consolée ou l'avait-elle maudit ? Il fit la réflexion qu'elle aurait bien pu le maudire, car il n'avait pas été bon pour elle. Il s'était montré bien égoïste, en vérité. Ici lui vint le souvenir de ses bonnes fortunes. Plus d'une de ses conquêtes passagères était tombée dans ses bras, grâce à l'absence du mari. Rien de pareil ne pouvait être arrivé à Morez, car Robert le lui fait savoir. Ce fidèle serviteur n'eut pas manqué de prévenir son maître. Mais si Robert l'avait volé, à qui se fier désormais ? Que croire ? Le marquis sentit quelque chose de bien étrange et de nouveau se glisser dans son âme. Ce n'était pas le remords proprement dit, mais c'était un reproche qu'il s'adressait à lui-même. « Je n'aurais pas dû rester si longtemps absent, » se dit-il. « Gabriel ne peut pas m'avoir trahi, » pensa-t-il ensuite. « C'est impossible, elle m'aimait trop pour cela. » Confiant dans la pensée de cet amour, il se laissa aller au fond de sa berline et s'endormit enfin. Il y avait plus de 10 ans qu'il n'avait songé à sa femme avec autant de tendresse. Quand il se réveilla, le jour était venu. Il roulait rapidement vers une ville où l'on devait relayer. Le soleil lui entra dans les yeux et lui fit une impression désagréable. La rosée avait pénétré par la glace baissée du carrosse, et il sentit sa jambe droite légèrement engourdie. Il voulut s'étirer. Une douleur qu'il connaissait bien lui fit faire la grimace. Alors il prit dans sa poche un miroir et un petit peigne. D'un geste rapide, il fit tomber la poudre qui couvrait ses cheveux, puis il se regarda attentivement dans la petite glace. « Mes cheveux sont blancs, se dit-il, tout à fait blancs, c'est incontestable. Et voilà la patte d'oie marquée à mes tempes. Vous avez beau faire, Morez, vous avez 50 ans et des rhumatismes. Vous devriez rester chez vous. C'est ce que vous avez de mieux à faire si vous voulez vivre vieux. »